Bien déglingué sous le soleil, je me confine la fraise à la fraîche. Le vent s'engouffre, apporte toxine, je crois que j'ai la poêle. Décoré de vieux fagnons, ma belle tente de sudation devient mon château fort. Une grosse tour, un donjon d'or-corps, à l'abri des sports, je te préserve du moindre effort. Il fait si chaud dehors, il fait si chaud dehors. Ton dôme de plastique perforé ressemble au perforat sans trousseau de clé. Un jeune homme sous son masque, la peur de me noyer. La tête en bas, les pieds coincés dans le filet. La tête en bas, les pieds coincés dans le filet. Coincés dans le filet. Je me réchauffe, je me calfeu. Merci aux belles bandes adhésives, aux sauts de chlore, au plastique bleu. Violente migraine, odeur d'usine, c'est de mon nez que sort du sang. J'en fais les chiffres très alléchantes pour les badauds et les chalands. Et une pour papa et une pour maman. Une pour papa, une pour maman. Wilson. Une pour papa, Wilson. Une pour maman. Wilson. Une pour papa, Wilson. Une pour maman. Wilson. Une pour papa, Wilson. Une pour maman. Wilson. Trois carottes pourries en guise de repas. Je pisse la mayonnaise, débloque des calculs rénaux. Les douves sont remplies, ouais, d'un liquide à queue. Oh, que la queue de Johnny. Il lui coucou, adieu. Une boîte noire, un œuf coulé, petit bateau. Un message à la mer via les caniveaux. Une boîte noire, un œuf coulé, petit bateau. Un message à la mer via les caniveaux. Le ventre rond comme une queue de pelle, c'est la faim qui gratte à ma porte. Je la trouve belle, me donne à elle. Elle est là pour moi des envies saines. La mort butine mes aisselles, je suis le miel. Elle grosse abeille, un parapluie. Agnès B au plastique frêle en guise de bouclier. Heureux, mes pieds fumés par la grêle. Je me sens faible, j'ai chaud, j'ai peur. C'est à la trace que les Cheyennes me suivent. Ils veulent manger mon cœur. C'est à la trace que les Cheyennes me suivent. Ils veulent manger mon cœur. Ils veulent manger mon cœur. C'est brillant comme ça dégouline. Goutte de sang coagulé. Ça sent le porc, la bétadine, le vieux pansement usagé. C'est brillant comme ça dégouline. Goutte de sang coagulé. Ça sent le porc, la bétadine, le vieux pansement usagé. Il faut bien boire, prendre ses médicaments. Mes failles, les faïences, lui sous le soleil. Il faut bien boire, prendre ses médicaments. Mes failles, les faïences, lui sous le soleil. Il faut bien boire, prendre ses médicaments. Mes failles, les faïences, lui sous le soleil. Il faut bien boire, prendre ses médicaments. Mes failles, les faïences, lui sous le soleil. Il faut bien boire, prendre ses médicaments. Mes failles, les faïences, lui sous le soleil. Il faut bien boire, prendre ses médicaments. Les failles, lui sous le soleil.